J'avais un avis, j'avais une envie, c'est d'avoir envie, envie pour la vie. Non, j'avais une envie, c'est d'avoir envie, t'avoir pour la vie. Mais toi, tu n'avais, mais toi, ton avis, c'est de vraiment, vraiment pas avoir d'envie. C'est de vraiment, vraiment pas là avoir cette envie. Bon, ouais.